40e chapitre. La condamnation. Le jour de l'expiation approchait. L'interrogatoire de la fontenelle commença. Lorsqu'il fut terminé, le 14 septembre, le sieur Rapin, lieutenant de robe courte, porta à messieurs du Grand Conseil les charges et informations du procès qu'il avait instruit, avec ordre de mettre Guyéder en jugement. Historique, voyez l'étoile. Alors, dans tout Paris, on ne parla plus que de la Fontenelle, accusée d'avoir trempé dans la conspiration du maréchal Biron. Bientôt, au nom du roi et à la requête de la famille la ville Rouault, le cadet des Beaumanoirs fut traduit devant la grande chambre, présidée par Achille de Harlay. Son jugement marcha avec une grande rapidité. Comme le Parlement ne pouvait trouver des preuves bien convaincantes de sa complicité avec Biron, il fit revivre ceux de ces crimes qui n'étaient pas des faits militaires, lesquels n'avaient pas été détaillés dans l'amnistie du roi. Ainsi, il fut accusé d'avoir, contre la foi des serments, donné la mort au sieur la ville Rouault et fait déshonorer sa malheureuse femme par ses soldats, d'avoir fait périr deux prisonniers de guerre, l'un de faim et l'autre en lui donnant une trop grande abondance de nourriture. Enfin, d'avoir commis toutes sortes d'atrocités dans la Cornouaille. L'étoile, de Thou et Sully affirme, dans leur mémoire, que la Fontenelle fut convaincue d'avoir traité secrètement avec les Espagnols pour leur livrer Douarnenez. Ces crimes ayant été bien prouvés, la Fontenelle fut condamnée à la peine de mort. L'arrêt porta qu'il serait d'abord appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, que son corps serait traîné sur la claie dans les rues de Paris, puis qu'il serait roué en place de grève et exposé sur la roue. Henri IV pardonna à tous ceux qui furent compromis dans la conspiration de Biron, mais il ne crut pas devoir faire grâce à la Fontenelle. Il comprit qu'en cette circonstance, il fallait faire un exemple et punir le meurtre et le brigandage. D'ailleurs, on doit se le rappeler, déjà le Parlement de Rennes avait demandé plusieurs fois la tête du partisan et le Béarnais lui avait trop d'obligations pour soustraire le coupable à sa vengeance. Cependant, le roi, en considération de l'illustre maison à laquelle il appartenait, permit que dans l'arrêt, le nom de la famille Beaumanoir ne serait pas cité. On ne peut se figurer l'affluence de curieux qui assistèrent à ces débats. La salle d'audience était trop petite pour les contenir. Non seulement les bons bourgeois de Paris se promettaient d'aller voir expirer sur la roue ce terrible gentilhomme, mais ils voulaient aussi suivre attentivement son procès depuis la première séance jusqu'à la dernière. Pendant le cours de cette affaire, le courage et l'énergie de l'accusé ne l'abandonnèrent pas un seul instant. Parfois seulement, au milieu de son interrogatoire, en songeant aux moyens qu'on avait employés pour se saisir de sa personne, il comprimait bien difficilement la fureur qui grondait au fond de son âme. Dans ces moments, les juges, frappés de l'étrange expression de ses traits, avaient peine à soutenir son regard de démon. La Fontenelle dédaigna de répondre à plusieurs des questions qui lui furent adressées, et il s'éleva avec beaucoup d'énergie contre la ruse dont on s'était servi pour l'arrêter. Il ajouta qu'étant capitaine au service du roi, il était loin de s'attendre à une pareille façon d'agir et qu'il se serait empressé, au premier avis de la Grande Chambre, de se rendre à Paris pour venir se mettre à sa disposition. Il sut dissimuler sa fureur et son désespoir aux yeux du greffier et des autres officiers de justice qui vinrent lui donner lecture de sa sentence de condamnation. Quand il les eut vus partir et qu'il eut entendu les verrous de sa prison se refermer sur lui, il comprit que tout était fini et qu'il n'y avait plus d'espoir. Puisque son arrestation étant inconnue des siens, personne ne pourrait venir solliciter en sa faveur. D'ailleurs, quand bien même la nouvelle de son malheur parviendrait à sa femme ou à son frère, leur démarche serait inutile, car dans quelques jours il aurait cessé de vivre. « Non, pensa-t-il. Je n'ai rien à attendre d'un roi dont les lettres d'abolition et le pardon n'étaient que mensonges. Le tour est bien joué, et mes ennemis, en me perdant, ont su m'enlever toutes les chances de salut que j'avais en mon pouvoir. Mon cousin Lavardin, qui seul eût pu me sauver, est maintenant en Bourgogne. » En 1602, Lavardin avait été effectivement envoyé par le roi en Bourgogne pour soumettre cette province. « Eh bien, puisque la prédiction que m'a faite Daumont à Corlay doit s'accomplir, et que demain, peut-être, il me faudra mourir à la face de tout un peuple, je ne dois plus songer qu'à braver la torture et à finir en homme de cœur. » En cet instant, Guy Hédère, comme si toutes ses cruelles pensées eussent pesé trop violemment sur son organisation irritable, tressaillit. Ses chaînes s'agitèrent et il s'écria tout haut avec une grande exaltation. « Plus le supplice qui tue est ignoble et plus le supplicié au moment suprême doit être digne et résigné. Il faut, si la foule accourt pleine de joie à mon exécution, qu'elle soit satisfaite en se retirant et qu'elle applaudisse à la fin courageuse du brigand de la Cornouaille. Que ma dernière heure sonne donc et je montrerai au peuple de Paris comment sait mourir la fontenelle sur un échafaud quand il ne peut pas finir sur un champ de bataille. » Après ces paroles, la belle tête blonde du partisan retomba sur sa poitrine et une larme coula le long de sa joue. Alors il se mit à réfléchir aux jours de son enfance, passés si tranquillement à Beaumanoir, chez son frère, et cette fois encore, il se reprocha d'avoir empoisonné l'existence de ce bon gentilhomme. Ses réflexions se reportèrent ensuite sur Marie, sur Clara, sur ses anciens compagnons d'armes et sur tous ceux qui lui avaient témoigné quelque affection. Il repassa dans sa mémoire tous les actes de sa vie et fit une sorte d'examen de conscience dans lequel il déplora les crimes dont il s'était rendu coupable. Il demanda enfin pardon à Dieu devant qui il allait bientôt paraître, le suppliant de vouloir lui pardonner toutes les fautes et les scélératesses qu'il avait commises. Après cette prière, lorsque vint la nuit, il s'endormit calme et tranquille, car il était résigné à son sort.